Le nouveau monde, la forêt. Allez les écureuils, on avance en ligne. On est tous, on est tous des soldats. On avance, on marche, on part. J'adore cette chanson, qu'est-ce qu'elle est cool. Oh, on patrouille les gars, alors fermez-la un peu parce que... Sergent. Mais quoi? Derrière vous. Quoi? Oh mon dieu, non. C'était quoi avant? Des lapins? Ça ressemble plus à rien. Mais qui a pu faire ça? Éole, l'arbre du conseil. Plusieurs rapports nous sont parvenus aujourd'hui des dizaines de patrouilles que j'ai envoyées autour d'Éole. Et alors, Berthold? Mes écureuils ont trouvé de nombreux cadavres d'animaux visiblement attaqués par des rats, en très grand nombre. C'est terrible! Les rats? Pouah! Les rats! J'en étais sûr qu'ils allaient nous bouffer les pattes une par une! Calmez-vous, Ziggy, mon bon! Calmez-vous! Ouais! Ouais, je me suis tordu une antenne, mais je suis pas pour autant surexcitée comme fourmi. Mais je n'ai rien dit tel. Les rats se rapprochent donc, capitaine Berthold. Ils veulent confirmer leur présence dans le secteur, conseiller Voltaire. Où sont les Baefwish? Ils sont avec deux de mes gardes, partis explorer le grand trou au pied de l'arbre. Ils partent enfin. C'est vous qui leur avez donné la permission, Berthold? Ils connaissent l'existence de ce grand trou, César. Je ne crois pas qu'il faille continuer à les exclure des halls et de ses secrets. Vous avez peut-être raison. Organisez la défense des halls, Berthold. Que tout le monde se tienne prêt. Les rats peuvent attaquer n'importe quand. Éole, au pied de l'arbre du conseil. Il n'y avait rien. Rien qu'un tronc sur lequel pendaient des lierres, des feuilles, poussait une mousse verte et moelleuse. Mais aucun grand trou, aucun tunnel descendant dans les profondeurs de la terre, menant à Wish City. Mila pouvait enfin se lever après 5 jours de repos. Ses jambes lui semblaient parfois lourdes, mais elle tenait bon. Nous étions tous les trois au pied de l'arbre, entourés de 2 gardes écureuils. Mais y'a rien! Il est où le grand trou? Je ne vois aucun tunnel. C'est parce que vous savez pas regarder. Un des gardes s'est approché des lierres et d'une patte habile les a écartés, découvrant ainsi un trou sombre. Vous le cachiez. Après vous, Baefwish. Nous avons avancé jusqu'à l'entrée du tunnel, Boos portant une sacoche en bandoulière et Mila un maigre bout de bois tout tordu. On reste là à vous attendre, bonne chance. Pourquoi? C'est dangereux là-dedans. Pour eux sûrement. Ils ne vivent pas dans les tunnels. Nous, on a toujours vécu là-dedans. Et avançons. Et nous avons marché, redécouvrant le plaisir de la roche sous nos pieds, de l'obscurité. Peu à peu, nos yeux se sont habitués au peu de lumière qui passait au travers des lierres un peu plus haut. Le tunnel descendait et descendait encore. Boos s'agenouilla au pied de Mila. Il sortit 2 pierres de sa sacoche et les frotta par à coups, provoquant des étincelles. Mila tendit le bout de bois au-dessus et très vite en fit une torche. Et nous avons continué notre descente, sans mot dire, profitant juste de la chaleur du tunnel. De ce qui avait été notre monde. J'ai envie de pleurer. Ah bon? Ouais, je me souviens des matchs de squeeball, de ma première pioche, de mon premier chantier de creuseur et des longues parties de cache-cache dans les tunnels proches de Wish City. Tout ça me manque. Les parties de cache-cache? Bah, ma vie d'avant, en fait. C'est vrai que moi aussi, j'ai plein de souvenirs qui reviennent. Vous aurez quand même envie de remonter dans le nouveau monde, j'espère. Oui. Tu crois que ça descend vraiment jusqu'à Wish City? Je vais devoir m'arrêter un moment quand même. Si on s'enfonce trop profondément et que je tousse ou un truc comme ça, je vous contamine. Boos portait la maladie des rats. Il n'en souffrait pas, mais il la portait. Pour le moment, tant qu'on ne trouvait pas de remède, il risquait de contaminer tout Wish City et de tuer ses habitants. On descend encore un peu. Je crois pas. Regarde, Squeak. Mila brandit la torche devant elle. Le tunnel s'arrêtait. Il y avait eu un éboulement. Un amas de pierres formait un cul-de-sac. L'affaire était réglée. Nous ne pouvions pas rejoindre Wish City. Le tunnel s'arrêtait ici. Et merde! Jamais! Jamais on pourra revenir chez nous! Bordel de merde! Bon, bah pour ça c'est réglé. Sors, ça s'acharnera toujours contre nous, hein! Chut! Écoutez! Des voix. Derrière l'amas de roche, il y avait des murmures. Et une voix si familière. Oui, nous nous sommes jetés tous les trois contre le mur de pierre frappant des poings. Friedrich, tu m'entends? de l'autre côté, il y avait des baïfouiches. Baïfouiches. Baïfouiches.